Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, hier, on a appris que les Saguenay de Chicoutimi allaient disputer un match à Alma le 7 septembre prochain au centre sportif Mario Tremblay, alors que les Sags vont recevoir la visite du Drakkar de Bécomo. Serge Proulx, en entrevue sur les ondes de danazosport.com, explique le choix d'Alma. Je pense que Alma, c'est quand même une des grosses villes du lac Saint-Jean. On était allé il y a 2 ans à Robertval. L'an dernier, on s'était rendu à Dolbeau, puis on voulait vraiment aller à Alma. Donc, présentement, tout était bien aligné. Là, il y avait de l'ouverture de leur part. C'était possible pour le faire et pour nous, c'est sûr qu'on voulait y aller. Donc, les deux parties sont très, très contents de la présentation de cette partie-là qui va donner quand même un bon spectacle contre le Drakkar de Bécomo. Et les deux équipes rendues à cette date-là vont être formées à 100%. Donc, ça risque d'être très intéressant. Parlons maintenant de la Ligue du lac au fleuve. Maintenant, un nouveau partenariat a été signé avec une entreprise de l'Estrie. En entrevue sur les ondes de CKG avec Michel Thifault et Dominique Bolduc hier, le commissaire de la Ligue, Mathieu Caron, a mentionné que ce partenariat-là va faire en sorte que la Ligue va être mieux connue et devrait attirer des partenaires au niveau financier. Chez d'autres plus gros partenaires, c'est que au niveau de la visibilité de la Ligue, on avait besoin d'une solution, une solution technologique qui va pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir promouvoir la Ligue encore plus sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. On est rendu en 2018, fait que c'est vraiment le gros plus qu'on a besoin pour une organisation de pouvoir être pour se faire voir. Puis donc, je suis allé signer la semaine passée une entente avec Choc Média Sport qui va être notre partenaire technologique pour la prochaine saison 2018-2019. C'est avec eux qu'on va gérer notre nouveau site web et qu'on va pouvoir chercher nos partenaires pour exactement vendre un peu plus de publicité pour les biens de la Ligue. M. Caron explique qu'est-ce qui a poussé la Ligue à choisir cette compagnie. Ils travaillent déjà avec la Ligue nord-américaine, ils travaillent aussi avec la Ligue d'hockey senior, donc ils connaissent beaucoup le volet senior. Donc, c'est pour ça qu'ils sont capables de pouvoir nous aider à ce niveau-là. En plus, Nick Beaulieu, mon représentant là-bas, qui est le VP marketing et vente là, chez Choc Media, c'est un gars qui connaît aussi le hockey senior. Il a été impliqué dans le hockey senior qu'il y avait dans le temps à l'Estrie. Donc, c'est même quelqu'un avec qui j'ai jasé qui m'a donné beaucoup de in un peu qu'est-ce qui se passe dans le hockey senior au niveau provincial. Donc, c'est une très bonne ressource pour moi en même temps pour être en mesure de pouvoir gérer la Ligue bien comme il faut. La Ligue de hockey du lac au fleuve l'an dernier. M. Caron n'a pas nié les rumeurs que Michel Thifault lui a lancées à le fait que Wendake pourrait se joindre au cours des prochaines années à la Ligue du lac au fleuve. M. Caron a mentionné qu'il a même eu des discussions avec certaines personnes de Wendake. Wendake, ils ont demandé, j'ai eu une rencontre avec eux, ils m'ont demandé savoir un peu des renseignements au niveau de notre organisation. Présentement, c'est sûr qu'avec eux, c'est plus complexe un peu. Là, ils ont un niveau complexe, c'est géré par la banque là-bas. Fait que c'est ça qui est un petit peu la difficulté au niveau de la gestion. Je sais que les cahiers de charges ont été envoyés. J'attends les réponses à ce niveau-là. Mais oui, je sais que Wendake, c'était une équipe qui a approché notre organisation. Okay. Mais je veux dire que... Torvero est en compétition en fin de semaine à Métabitchouan dans une course contre la montre. Le cycliste de Saint-Félicien a terminé au troisième rang chez la catégorie Expert 1. C'est une compétition contre la montre. Je vous invite à écouter la section d'entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec... On a parlé avec plusieurs intervenants. Roger Caron, le directeur général du club de golf de Saint-Prime. C'est la première année que Roger Caron est directeur général. Il lui parle de son expérience. Également, je me suis entretenu aussi avec d'autres intervenants dans le monde du sport. Le sport local et régional à danradiosport.com.